Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la banane ce matin ? Wesh, gros, tranquille. Et pourtant, au cœur de ma nuit, j'ai dû soigner notre écureuil populaire. Le pauvre, il avait chopé une petite pérole que lui avait refourguée un ami très personnel. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, comment dire, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 26 est dangereusement vôtre. Dangereusement mien ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Une histoire dangereuse ? L'archange Gabriel, forcément. Non, non, ce n'est pas l'archange Gabriel, mais en revanche, voici l'annonciation des briques. Attention, c'est parti. Zéro. Zéro ? Don Diego de la Vega, le grand zéro, c'est le sergent Garcia, bien sûr. Non, docteur, non. Attention, concentrez-vous, écoutez bien la deuxième brique. Zéro. Mais que dis-tu, Bernardo ? Tu m'as déjà dit zéro. Ah, eh ben c'est Bernardo, justement. Non, pas du tout. Notre patient a beaucoup plus de bagou. Allez, dernière brique. 7. Ah, ok, Doc. 007. Ce matin, tu es Goldfinger. Tuer n'est pas joué et tu es permis de tuer. C'est James Bond, bien sûr. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y. Damons l'espion de ce pion de la reine. Maniez-vous le train, Miss Man et Penny, et apportez au labo le dossier de Monsieur Bond. Allez, James, à table. Je m'appelle Bond. Ouais, c'est possible. James Bond. Non, je connais pas. Je m'appelle Bond. James Bond. Oh là là, vous êtes lourd. Ah oui. Parfois, vous êtes un peu louf-dingue, monsieur Bond. D'ailleurs, vos détracteurs recyclent régulièrement leur théorie des trois S, n'est-ce pas ? Snobisme, sexe et sadisme. Mais qu'en est-il réellement, James ? Eh bien, commençons notre séance, justement, par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous tourneboule particulièrement au cœur du dossier de notre patient. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce qui me turlupine avant tout dans ce fichu dossier James Bond, c'est cette virilité de papa. Oui, la panoplie à trois balles est intégrale, muscles galbés, testostérone et aftershave à plein nez, le sourire prédateur, bref, le mâle en rut dans toute sa splendeur. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, c'est un peu plus compliqué. Comment dirait-on déjà dans notre jargon ? Dans notre jargon, on dirait que c'est un personnage phallique, parce qu'il est en représentation perpétuelle, et il est en quelque sorte lui-même une sorte de brillance sexuée. Il court sans cesse, je crois, après sa virilité, et qu'il ne la trouve que très rarement. Et quand il la trouve et qu'il peut la montrer, il l'exhibe en quelque sorte. Oh ! Salut. Ne vous êtes-vous pas trompé de chambre, monsieur Bond ? D'après ce que je vois, non. Quoi qu'il en soit, je suis très heureuse de vous revoir, monsieur Bond. Et moi, je suis heureux de vous revoir. Pauvre monsieur Bond. Sans aucun doute, vous vivez la prédation sexuelle comme une obligation, un peu comme si vous étiez possédé par le démon d'Hubert Selby, entraîné dans cette spirale infernale où s'entrechoquent le sexe, le pouvoir et le défi. Assurément, vous êtes un patient fascinant, James, et accessoirement mal barré. Mais surtout, nous sommes ravis de vous consacrer ici 53 minutes afin d'établir tous ensemble un authentique diagnostic, toujours dans l'espoir, bien sûr, de savoir si oui ou non Les méandres névrotiques de cet espion britannique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son, puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre patient au permis de tuer par l'histoire dorée d'un homme au pistolet. Les activités humaines étant sous-tendues par des motifs intimes, conscientes ou inconscientes, le domaine de la psychologie introspective se trouve être aussi vaste que la vie. Or, toutes les activités humaines, et partant toutes leurs motivations secrètes, se laissent diviser en deux groupes, le sensé et l'insensé. Avant tout, le ministère psychique dépose ses respects aux pieds de l'éminent psychologue Paul Dill, que l'on remercie vivement pour son introduction très sensée au cas psychique de notre patient du jour, car en effet, nous recevons ce matin l'icône des agents secrets, le bondissant James Bond. Son nom est Bond, James Bond. Et pour un agent secret, il a cette étrange particularité d'être connu du monde entier. Bon, c'est sûr, plus d'une vingtaine de films ont aidé à mieux cerner ce personnage. Devenu célèbre sous la plume de Ian Fleming en 1953, il y a bientôt 60 ans, dis donc. Et pourtant, ce héros populaire n'a pas d'âge. Il ne vieillit jamais et change régulièrement de visage. Mais peu importe, c'est un héros, un vrai... Un mythe des temps modernes, toujours prêt à relever toutes les épreuves pour notre plus grand plaisir au cinéma. Voilà, ça c'est dit. Mais déjà, avant même d'être célèbre, James Bond était prêt à relever tous les défis que lui proposait M, son patron. Vous m'avez demandé, patron ? Asseyez-vous. Ok. Ne faites pas craquer vos doigts comme ça, ça m'énerve. Alors quoi de neuf? Un fou furieux du nom de Pizzle the Tweezle veut faire sauter la planète. Et quelle est son adresse? Vous traversez à la nage tout nu un torrent truffé de remous et de requins, ensuite pendu à un hélicoptère par un cheveu et muni d'un tout petit bâton, vous parcourez un champ radioactif rempli de tyrannosaures et de terroristes armés de mitraillettes pour finalement entrer dans le coffre-fort blindé dont le code est le 83355224 pour désarmer une bombe nucléaire qui va péter dans 10 secondes. Il y a 450 petits fils de couleur et il faut couper le bon. D'accord, pas de question. Vous pouvez répéter la dernière chose que vous avez dit? J'ai dit pas de question. C'est bien ce que j'avais entendu. Alors voyez-vous, notre homme se situe ici. Mais il est tout petit. Bonjour. Sur la carte peut-être, mais il est plus gros en personne. Alors mon pote, t'as intérêt à te mettre à table. Va chier, poulet. Va chier, poulet. Ah bah oui, hein. Tu t'attendais à quoi? Au James Bond poli et gentleman que tu vois au cinéma? Mais non. Dans la vie réelle, hors de l'écran, James Bond est moins cool. Bon, d'ailleurs, dès que la caméra est éteinte, au bureau de James, chez les agents secrets, quoi, chacun reprend sa vraie personnalité. C'est par exemple le cas du Major Boothroyd, alias Mr. Q, responsable de la division recherche et développement du MI6, les services secrets britanniques. Allez, on passe maintenant aux modifications apportées à la Stone Martin. J'ai hâte de découvrir ça. Alors, je vous ai mis des suspensions californiennes, hein, à la sauce West Coast. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Bon, là, j'ai fait mettre un klaxon. Bon, on a un petit peu déliré pour les plaques minéralogiques. On avait picolé, on a mis n'importe quoi. On était bourrés. Ah, j'oubliais la boîte à Lambert, hein. Ça, c'est expérimental, attention. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert. Et ça fait peur aux chiens. Bon, la suite, bon. Hé, arrête de jouer avec ça maintenant, range-le dans ta poche, tu m'énerves. T'es pas attentif. Hé, je t'ai dit de ranger ça dans ta poche, sinon je t'en fous, tu te raclées, tu vas t'en souvenir, hein. Espèce de petit salopard, tu vas voir. Non, mais faut pas jouer avec moi, parce que moi, ça reste... Ouais, c'est bon, papy, reste tranquille, t'as craqué ou quoi? Je suis James Bond, quand même. Tu peux pas test? Ouais, bon, bah, un coup de genoux dans les couilles, tu vas voir James Bond par terre, avec un coup de ta tête dans la gueule, ce qui va devenir. Bon, allez, la suite. Bon, allez, le plus important, la boîte à béno, hein. Alors là, je t'ai mis du 007, hein, du marocain, meilleure qualité, tu vas voir. Et avec ça, t'es pareil. Et puis celui-là, j'aime autant vous dire qu'il n'est pas coupé, hein. Vous allez pouvoir planer jusqu'à la Jamaïque. Rastafari, yeah, man. Oh, putain, continue comme ça, tu vas l'avoir, ta rouste. Une rouste? James Bond, ça ne lui fait même pas peur. Il est prêt à maraver tous les méchants de la planète, surtout s'ils sont communistes ou s'ils appartiennent au Spectre, cette terrible organisation secrète et maléfique. L'Internationale ouvrière, quoi. En revanche, James est parfois terrifié, non pas par une James Bond girl, mais par une critique de cinéma, comme ce fut le cas le 10 mars 1963 avec Monique Berger pour la sortie en France du premier volet de ses aventures. C'était à l'époque contre le Dr. No. Monique Berger, vous avez vu un film au titre très insolite, c'est le moins qu'on puisse dire, je vous le laisse dire. Il s'appelle James Bond 007 contre Dr. No. James Bond, donc, agent doublement secret et même triplement, et portant avec lui et avec son arme la permission de tuer, va enquêter dans les Caraïbes sur la mort d'un autre agent secret. Il se trouve aux prises avec la très redoutable organisation du Dr. No, qui a transporté dans une île un repère d'espionnage atomique. Je ne sais si dans l'esprit de son réalisateur britannique, le public doit prendre cette histoire au sérieux. À vrai dire, je ne le crois pas. Pour ma part, et j'espère qu'il s'agit d'un pastiche de film policier, réalisé du reste avec de très grands moyens d'imagination et de grands moyens financiers aussi. Personne vraiment, nous, ne peut croire à cette histoire, qui se déroule pourtant selon les règles d'un mécanisme rigoureux. Cette histoire est délirante et ses rebondissements sont si inattendus qu'ils enchantent le public. Bref, je puis vous garantir que vous passez en voyant ce film deux bonnes heures à l'abri de vos soucis. Deux bonnes heures à l'abri de vos soucis. C'est donc une critique prévoyante donnée en 1963 sur le premier épisode des aventures de James Bond qui inaugure le succès que tu connais. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que l'agent jusqu'alors secret sort de l'ombre et qu'il suscite l'intérêt. Oui, dès lors, on veut tout savoir de l'agent 007 sans tabou. Tabou va maintenant révéler la véritable identité de James Bond. Elle aide à comprendre son succès. C'est son psychanalyste qui parle. Je crois que maintenant il ne se cache plus qu'il est le fils de la reine Marie et d'Anthony Eden. Et il a été élevé, évidemment, de façon un petit peu dans les coulisses par la fille de Lady Chatterley, qui était sa nourrice. Mais en fait, il n'a pas pu s'identifier à un homme. Et partant de là, évidemment, il a d'énormes difficultés dans ses relations avec le monde en général. Je peux vous garantir, en tant que son analyste, qu'il n'est absolument pas paranoïaque. Il y a une hypertrophie du moi, certes, rarement une fausseté du jugement, la méfiance est relativement bien adaptée. Ce que l'on pourrait dire à propos de cette hypertrophie du moi apparente, c'est que justement elle rencontre le statut phallique. Il se veut brillant, mais c'est une hypertrophie en fait défensive. Il ne se croit pas très fort. Il y a une certaine critique quand même, voire même un certain sourire qui lui confère sympathie, je trouve. Un certain sourire qui lui confère sympathie, effectivement. Parce qu'on est prêt à tout pardonner à James Bond. Ses destructions massives, son autosuffisance crasse et même son permis de tuer à tout va. Oui, James Bond ne fait pas dans la dentelle, mais tu me diras, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Quoique parfois, ses chefs du MI6 ont un peu de mal à supporter le manque d'analyse géopolitique de ce cher héros flingueur. Je vous présente le général Gilmour, chef d'état-major de l'US Air Force, et le général Borchevski des services secrets russes. Les services secrets russes? Vous êtes frappadingue! Il s'en est passé des choses, vous savez. La guerre froide est finie aujourd'hui. Sans blague. Enfin, ces sales porcs capitalistes vont payer leurs crimes, hein, camarades, hein? C'est nous qui avons gagné. Oh, génial, super. Vive le capitalisme, alors. Vive le capitalisme. Eh oui, James Bond est un valeureux défenseur du système capitaliste, puisque né au cœur de la guerre froide, il participe alors à l'endoctrinement idéologique visant à la lutte anticommuniste. Et maintenant que la guerre froide est terminée, James doit se trouver de nouveaux ennemis. Bon, ce qui est pratique, c'est que le Royaume-Uni, allié des États-Unis, n'en manque guère. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est que les ennemis d'hier, les Ruskov, le prennent désormais pour modèle. En quelques semaines, le nouveau James Bond joué par Poutine battait tous les records du box-office mondial. Seul notre cinéma national pouvait relever le défi. Attention, faites au jeu. Rien ne va plus. Bon, Clarette, t'as tout pile, hein? Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous? Gond. James Gond. Francis Coons est James Gond. Tous les Hollandais ont-ils votre charme, monsieur Gond? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'ils n'ont pas tous le même gourde. Oh. James Gond. Groland a trouvé son héros. Mais c'était peut-être une mission. Ah ouais, bah justement, j'ai pas envie, ça me fait chier. J'ai pas envie, ça me fait chier cette mission. C'est ce qu'on aimerait d'entendre des espions de Poutine, experts en polonium. D'ailleurs, c'est étonnant à quel point Daniel Craig, l'abdomen glacé, le James Bond du moment, a un physique de Vladimir. Et ça, ça fait vraiment flipper. Ainsi, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de M. Bond demeure une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, j'ai bondi sur ce dossier Bond et j'ai surtout cherché à comprendre comment un héros issu des années 50 a pu rester aussi fringant malgré le temps qui passe. Et oui, il commence à avoir de la bouteille, pépère. Une bouteille de Dom Pérignon, bien entendu. Alors, James Bond est né au cœur de la guerre froide, mais il serait réducteur de ne voir en lui qu'un terrible agent à la solde du grand capital chargé de saper les bases de l'édifice prolétaire du grand frère soviétique. Oui, le panache de James Bond doit aussi être replacé dans un Royaume-Uni en perte de vitesse après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, lorsque l'Empire s'écroule et que d'anciens colons sont en train de devenir les maîtres du monde, qu'il est bon et rassurant d'avoir chez soi un héros flegmatique et positif qui castagne à tout va, ça rassure. Bon, nous en France, à la même époque, on avait mon général, pourfendeur de l'impérialisme états-unien, mais c'était un autre OTAN dans lequel on revient d'ailleurs. Et puis, De Gaulle, James Bond, il n'en a qu'une, dont il fit un mémorable argument de séduction devant une Ursula en dress et en bikini. Alors, quel est le secret de jouvence de Monsieur Bond ? Eh bien, la longévité de James Bond s'explique sans doute par cet univers du luxe et du non-droit dans lequel il évolue. Belle pépée, grosse bagnole et une vision très manichéenne d'un monde où le bien et le mal se distinguent nettement, c'est à se demander si Ian Fleming n'a pas inspiré directement les orientations politiques du moment. James Bond et Bling Bling. Il est séducteur au-delà du raisonnable dans un monde où l'élite dominante lâche les bondes à toutes ses pulsions. Une élite qui prône l'abondance, mais pour elle, hein, ah, c'est son argent secret, ça. Donc, pas étonnant que James Bond soit de nos jours encore dans l'air du temps, puisque ses valeurs sont du même tonneau que celles de nos dirigeants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a ôté la bonde du tonneau des Danaïdes en offrant l'argent public à ces gens de la finance pour soutenir ce libéralisme que nous, au labo du ministère psychique, on voudrait mettre au lavabo en enlevant la bonde. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient, un indécrottable mythomane hypertrophié du bulbe. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient qui ne va pas sortir indemne de notre traitement, car James, dès qu'il quittera notre laboratoire foutraque, une fois encore... Il fera tous les bars de la terre, il ira où on ne le connaît pas, tanguera sur les fuseaux horaires, fera voyager sa gueule de bois. Il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra. Il retrouvera partout un frère, à Shanghai, Séville ou Luanda. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera. Il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va. Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Il fera tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra. Roulera sur les deux hémisphères, va savoir où il se réveillera. Il promènera sur lui le parfum de quelqu'un dont ne lui reviendra ni la voix, ni le regard, ni rien. Et dans le premier bar entrera. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ira, ira, ira, ira, hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera. Il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va. Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il fera tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra. Il pourra voyager sa gueule de bois, il pourra comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra, sans être sûr. Hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Tant que le corps résiste, en français, c'est le nouveau titre de Dominique A. Mais c'est aussi la devise de James Bondage, toujours au service secret de sadomasochistes. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir analysé les grandes étapes de la carrière si singulière de notre patient, il est temps dès à présent, me semble-t-il, de découvrir les deux pathologies obsessionnelles qui squattent allègrement le psychisme de ce James Bond. En premier lieu, il ne faut jamais oublier que derrière l'image glamour et mystérieuse qu'il dégage, James Bond fait avant tout un sale boulot, car tué de sang-froid, quoi qu'en disent les midinettes, c'est une basse besogne qui n'est pas sans conséquence sur le développement de la structure mentale du tueur. Ainsi, pour adoucir l'angoisse de refroidir les ennemis de la couronne, il semble bien que les espions au service de Sa Majesté développent tous la même névrose qui finit toujours par les perdre, au grand désespoir de James Bond, qui voit ses collègues disparaître. Je vous permets de vous souhaiter la bienvenue, Sir James. Oh, merci. Hadley, monsieur. Mais oui, Hadley. Mettez-moi au courant. Que font nos agents dans le monde? Oh, la situation, hélas, n'est pas brillante. Et pourquoi ces drapeaux noirs? J'ai bien peur que ces agents n'aient été liquidés. Ici, en Finlande, notre homme a été égorgé dans un sauna pour dames. Celui de Madrid, carbonisé vif dans un lupanar gitan. Quant à celui de Tokyo, il a été étranglé par un geisha. Ce qui me chagrine, c'est que l'agent secret s'identifie de plus en plus en obsédé sexuel. Oui, et figure-toi que James Bond n'y échappe pas. Alors, que ce soit bien clair ici pour tout le monde, un séducteur, pourquoi pas, mais c'est surtout un gros obsédé sexuel, ce mec. Il attrape toutes les filles qu'il croise pour s'en débarrasser aussi vite qu'il les a séduites, non sans avoir exercé son droit de cuissage, bien sûr. C'est un malade, je te dis. Et quand tu commences à compter ses conquêtes, crois-moi, ça devient très vite indécent. Bon, tu me diras, l'animal a des arguments. 1m83, 76 kilos, des yeux gris clairs, une carrure svelte et athlétique, le parfait vieux beau, quoi. Cela dit, tout cet attirail de dragueur n'est évidemment qu'un placebo. Et d'ailleurs, laissons à Brian Molko le privilège de nous éclairer sur la véritable vie nocturne de James Bond en mission. Il drague en boîte et il cherche sa connexion. Hey yo, hey yo. Pas trop de jouissance mais pas mal d'affection. Hey yo, hey yo. Il rêve de l'endroit à la plus belle sélection. Hey yo, hey yo. Mais toujours tant d'efforts pour une si simple érection. Hey yo, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences, ça n'a aucun sens. Eh oui, car James Bond est prisonnier de son image de serial fucker, alors qu'en réalité, il est terriblement tourmenté, notre espion-pion. Tiens, connais-tu par exemple les inquiétantes récurrences oniriques chez notre patient? Vous remarquez aussi que souvent il rêve. Ici, triple X. Quand par exemple il rencontre des femmes, il ne va pas les aborder directement par là où on penserait qu'il pourrait les aborder, c'est-à-dire assez simplement. J'ai déjà déjeuné, mais. Il ne fait jamais dans ses rêves que les pénétrer par les balcons. Toujours par les balcons qu'il les pénètre. Je ne crois pas avoir pris de dessert. Enfin, il rêve très souvent qu'il s'accroche à des queues d'avion. Dès qu'il y a une... Dans ses rêves, il s'accroche désespérément à des queues d'avion et qu'il ne lâche jamais. À ce petit jeu-là, je vous mettrai une longueur d'avance. Un autre type de rêve aussi, il rêve qu'il a des petites armes, des petites armes secrètes. C'est dire en vérité combien il doute de l'instrument dont la nature l'a doté. Désolé chérie, le devoir m'appelle. Puisqu'il fantasme avoir donc des petites choses, mais des petites choses à cacher et dotées d'une extrême puissance. Je savais déjà fort bien ce qui occuperait vos journées. James, je ne trouve pas les mots. Mais je peux essayer d'élargir ton vocabulaire. Élargir ton vocabulaire. Rêves érotiques étranges chez Monsieur Bond, n'est-ce pas? Mais dans les profondeurs de la nuit, en réalité, James est assiégé par le doute, quant aux attributs de sa virilité, mais également assailli par des images de queue d'avion auxquelles il s'accroche désespérément comme s'il voulait s'enfuir et quitter son costume surdimensionné de séducteur. Seulement voilà, comme chacun sait, le succès des aventures de James Bond est intimement lié à ce rôle de mâle dominant qu'il doit absolument incarner s'il ne veut pas voir la félicité s'envoler. Pourquoi James Bond a-t-il tant de succès? Ses admirateurs réagissent, paraît-il, inconsciemment contre l'agressivité féminine qui les fait souffrir. Nos compagnes sont-elles agressives? Cela reste à prouver. Quoi qu'il en soit, pour Terence Young, le réalisateur de plusieurs films, dont Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre, c'est là la signification cachée du succès de James Bond. Eh oui, va savoir pourquoi, mais la virilité de James Bond et sa consommation sexuelle frénétique révélerait en secret la vengeance de tous ces hommes qui souffrent de l'agressivité latente des femmes. Une mission très spéciale qui pousse néanmoins les scénaristes de plus en plus loin, quitte à aggraver les névroses sexuelles de notre patient. Tiens, il paraît que dans le 23e épisode, qui est déjà en préparation, la mission de l'agent 007 n'est vraiment plus qu'un simple prétexte. Le coffre se trouve en haut d'une tour turgescente de 19 étages. Il faudra bien lubrifier notre équipement si on veut passer par les trous d'aération. Trahison humide, le premier film écrit et dialogué par Steve Vagina, l'ancienne star du X. C'est un coffre en acier trempé, avec une ouverture en titane. Écarte-la bien avant d'y rentrer. Et surtout, opère avec doigté. J'ai une technique pour éviter d'accrocher. Je me suce les doigts avant de toucher le bouton d'alarme. Il nous faudrait aussi un animal pour détecter tout risque de gaz asphyxiant. Une chatte? Oui, mais rasée. Pourquoi? Si le moindre poil tombe sur le sol, l'alarme s'auto-déclenchera. Si les fédéraux arrivent, on crache la purée. Oui, il faudra penser à se protéger. Pour se replier, on pourra toujours passer par derrière. On n'y verra pas grand-chose. Et en plus, il faudra mettre des masques à gaz. Fils fucking! Trahison humide. Ils ont 2 heures pour réussir sans préliminaire et ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Arrivé au point G, il faudra bander les yeux du gardien. Écoute, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. Je vais me coucher. Il est à la maison. Il a mangé. Une simple assiette de penne. Ok, je te préviens, j'ai très faim. Pour moi, ça sera une double penne. Trahison humide, prochainement dans vos salles. Film interdit aux plus de 18 ans. Pauvre Monsieur Bond, ses obsessions sexuelles s'empirent de jour en jour. Il devient monomaniaque, pris au piège, pépère de ce cercle vicieux dont seule la mort pourrait l'extraire. Mais bon, pas de bol, puisque demain ne meurt jamais. Alors bien sûr, à force de poireauter devant la porte des ténèbres, Monsieur Bond a développé une seconde pathologie, elle aussi assez répandue chez les espions, et que nous allons découvrir dès à présent par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble les conclusions de son enquête sur les troubles de la vue chez James Bond derrière ses verres de contact. L'interne, pointez-vous au labo! En bikini. Allez hop, démonstration! Alors patron, professeur, pardon. Le patient du jour serait donc l'agent secret britannique James Bond. Eh bien, sachez que pour ce cas, ça a été on ne peut plus simple. Non, vraiment, parce que si je vous dis James Bond, vous allez me répondre automatiquement vodka martini. Eh bien oui, pas la peine de chercher plus loin, c'est bien là que se situe la pathologie du patient. James Bond boit beaucoup, il faut bien dire. Il boit beaucoup de vodka martini, il boit beaucoup de bourbon, beaucoup de whisky. Je vous sers. Donnez à ce monsieur une vodka martini secouée non agitée. Touché. Disons qu'il se méfie assez des puritains. Il y a une intolérance qui se cache derrière ce puritanisme et qu'il n'apprécie pas. Mais oui, bien sûr. Il a bon dos, le puritanisme. Il faut dire qu'en cumulant les missions, James Bond est devenu l'agent numéro 1 au service de l'ébriété. Avec un total de 317 verres, dont 101 de whisky, 35 de saké, 32 champagne et 19 vodka martini. Mais bon, arrive un moment, il faut faire attention au mélange tout de même. Surtout lorsqu'il s'agit d'obligations professionnelles et de plaisirs personnels. N'est-ce pas, James ? Attention, les apparences sont trompeuses. Je ne bois jamais d'alcool, j'ai bu de l'eau minérale et des citrons pressés toute la soirée, et maintenant je me prépare à boire du lourd. Ah oui ? C'est quoi ? Une pendant pina colada pour dégripper les rencontres qu'on peut faire dans un bar. L'alcool est un lubrifiant. Oh, c'est la sagesse du cow-boy qui parle. Et avec un cocktail aussi détonnant, la protection de Sa Majesté prend une toute autre tournure. À tel point que James risquerait même de se faire voler la vedette. Attends. Je me casse le cul toute la journée pour votre sécurité. Et madame ne me dit même pas où elle est. Alors que je sais très bien où elle est. Elle est avec Rick Hunter. Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes Rick Hunter ? Réponse. Rien. Moi, je sais, moi. Toutes celles que j'ai escortées, je les ai baisées. D'accord ? Oui, là-dessus, on te croit sur parole, James. En tout cas, on comprend bien une chose. C'est que toutes ces missions cumulées, c'est pas mal de verre à assumer. Et qu'il faut se méfier plus que jamais des risques du métier. Alors, comment ça va ? Oui, ben, c'est très moyen. Il y a des jours comme ça, hein. Quelquefois, c'est toi qui cogne le bar. Mais d'autres fois, eh ben, c'est le bar qui te cogne. Bond. James Bond. Mais Bond, en même temps, que serait un James sans cocktail ? Une fois de plus sur la brèche, chers amis. Et un billet d'avion, heureux mortel. Je ne connais pas Istanbul. Tu ne connais pas Istanbul ? Non. La lune sur le Bosphore, c'est irrésistible. Je vous demanderai un jour de m'y conduire, peut-être. N'ai-je pas déjà tout essayé ? Chère Moneypenny, je ne regarde pas les autres femmes. Je t'ai vu quand t'as bu de l'eau. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête qui nous révèle ce matin qu'en réalité, James Bond n'est absolument pas au service de son ébriété et que sa quête incessante du défi est épuisante. D'ailleurs, avis aux amateurs. Ben tu vois, moi, si je pouvais repartir de zéro, ben je ferais James Bond, espion, ouais. Genre petite gonzesse, Aston Martin, cocktail. Mais il est bidon ton 07, là. Une vraie vie d'espion, c'est une vie de merde, transparente, éterne. Tu dissimules tout le temps, c'est un quoi choper des ulcères, une vie de merde. J'ai dit espion, j'aurais très bien pu dire détective privé, Bourbon et jolie veuve éplorée en barésie, c'est pas mal aussi ça. Mais détective privé, tu passes ton temps à choper des gens pour des adultères sordides, planqués là dans des endroits venteux, quoi choper des pneumonies, c'est une vie de merde. Ce que je voulais dire, hein, c'est que plutôt que de faire commercial dans une boîte pourrie en province, si j'avais pu faire autre chose, hein, parce que commercial c'est quoi ? C'est une vie de merde ! Alors maintenant, après avoir constaté, entre alcoolisme et frénésie pulsionnelle, combien l'existence de James Bond n'est franchement pas enviable, nous allons attaquer dès à présent l'ultime partie de notre analyse, qui consiste comme d'habitude à localiser les résurgences contemporaines de la structure mentale flegmatique de notre espion britannique. Et ce matin, figure-toi, nous allons essayer dans les minutes qui viennent de nous lancer à la recherche du James Bond français, car il est évident, devant la fascination qu'elle engendre, que la psyché de notre passion a traversé la Manche pour connaître en France quelques renaissances. Et amorçons une nouvelle fois notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Pour ce faire, bien entendu, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit, un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de cet agent secret au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée « Espionne-moi la choucroute » où s'entremêlent la politique, les barbouzes et un style typiquement français. L'expert jungien, plantez-vous dans la peau ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. C'est un personnage, cet espion, qui est très équivoque, qui est très ambigu et qui peut être interprété de façon différente, du côté de l'honneur d'un côté et du côté du déshonneur, de la honte, de l'ignominie. Ça y est, c'est bien la DGSE qui a coulé le bateau de Greenpeace. Regarde ces jolis boutons de manchette. Chacun peut tirer une mini-seringue qui paralyse un mec pendant 3 minutes. C'est le Premier ministre lui-même qui vient de l'annoncer. Écoutez sa déclaration. Tiens, je vais te montrer ça. Ce sont les agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Les simples exécutants doivent évidemment être mis hors de cause, car il serait inacceptable d'exposer des militaires qui n'ont fait qu'obéir aux ordres et qui ont parfois accompli dans le passé pour notre pays de très dangereuses missions. La démocratie, normalement, s'exerce dans la transparence, dans la publicité. L'examen des faits, de la réalité, montre que ce n'est pas vraiment le cas. Pirater, voler, mettez sur écoute, passez les bandes s'il le faut, vous avez carte blanche. Je veux être tenu informé dès que quelqu'un bouge, ne serait-ce qu'une oreille, et dans chacun de ces endroits. Il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas. Par France encore un peu plus. Mais je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Je voulais vous demander justement si le fait de décorer M. Proutot n'avait pas été... Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Cette ambivalence, elle tient aussi à cette relation de dissymétrie entre votre espion et le mien. Mon espion est un espion honorable qui fait du renseignement. Nous n'avons que des agents. Jean-Charles Marchiani, un personnage sulfureux, homme de l'ombre et du secret. Il affirme avoir toujours agi dans l'intérêt de la France, dans le sillage de Charles Pasqua. Son nom est également associé à plusieurs affaires de commissions occultes pour lesquelles la justice le poursuit aujourd'hui. Nous avons un gars qui est Marchiani, qui est allé risquer sa peau pour sortir les otages du Liban. Qu'est-ce qu'on trouve à dire aujourd'hui de sordides affaires qui n'ont rien à voir avec la réalité? Eh bien, je suis écœuré. Si on était en Angleterre, il aurait été fait chevalier, et nous, on est des minables. Tu m'entends? Il faut pas parler en même temps que moi, c'est pas un téléphone le truc. Mais je t'entends pas, moi. Vas-y, tu m'entends, puisque tu me réponds. Eh oui, même les gadgets de l'espionnage français ne sont pas très au point. Encore que, ça dépend. Ça dépend du gadget. Vois-tu, en 1973, par exemple, dans le film « Vivre ou laisser mourir », une satire sociale autour du douloureux sujet de l'euthanasie, James Bond portait une Rolex avec champ magnétique et scie circulaire. Eh bien, comme le disait encore il y a quelques jours Jacques Séguéla, dans ce domaine, l'espion français est à la pointe de la technologie. Nicolas Sarkozy a été accusé de bling-bling, de ce côté ostentatoire un petit peu, avec son goût pour les montres de luxe par exemple. Est-ce que c'est l'époque qui a changé ou est-ce que c'est une erreur de com, selon vous, de communication? Non, c'est une erreur journalistique. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex, enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. C'est absolument fantastique, c'est incroyable. On se croirait dans la même pièce. C'est un émetteur, récepteur, radio, télévision monté sur montre-bracelet. Une Rolex Oyster modèle 65 à mouvement perpétuel. Indicateur de date et échelle des marées à l'intérieur du boîtier. Et un cadran qui indique les différentes phases de la Lune. Oh, ça me plaît. Ainsi, selon les critères de M. Séguéla, saltimbanque et ami de notre président, un James Bond français qui a plus de 50 ans et qui possède une Rolex n'a pas raté sa vie. Bon, évidemment, entre-temps, Jacques Séguéla s'est excusé de ses propos complètement idiots, tu m'étonnes, mais qui résonne pourtant comme un écho à l'air du temps, une sorte de lapsus de M. Séguéla. Hein ? Ah oui, on est bien loin de la force tranquille qu'il nous vendait en 1981, car aujourd'hui la force semble être du côté du portefeuille. Et tout le monde s'y met, dis donc, y compris notre James Bond en français qui cherche à se faire de l'oseille. Oh non. 007. Grâce à la puissance d'un procédé de restauration numérique innovant. Quelle magnifique surprise. Désormais avec une qualité de son et d'image inégalée en DVD. Pour moi aussi. Préparez-vous à vivre une révolution technologique en DVD. Voici quelque chose dont vous vous servirez avec le plus grand soin. Avec la nouvelle collection Ultimate James Bond en DVD. Avec le plus grand soin. Une image et un son à la pointe de la technologie. Ce que vous me donnez est traité avec un égal mépris, ça je le sais. Et ça envoie un signal d'alarme à un récepteur spécial. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Oui, alors c'est évident. C'est pour l'avaler. Là encore, on s'aperçoit que parfois, l'expertise de notre James Bond français n'est pas tout à fait au point. D'ailleurs, souviens-toi, il y a à peine quelques jours, le descendant du chevalier Déon a encore commis une grosse boulette qui aurait pu nous coûter très cher, une opération du tonnerre. Ainsi, voici l'histoire d'une crevette en apnée, rien que pour vos oreilles. Le commandant vous demande de rester à 500 pieds. Attention à contrôle, on stabilise à 500 pieds. Bonjour. Bonjour, 007. Bonjour, Q. Mission accomplie. Sous tout rapport. Je vous en prie, monsieur. Le ministre de la Défense. Monsieur le ministre. Est-ce qu'avant, on peut essayer de replacer le contexte ? Oui, monsieur le ministre. Le sous-marin disparu avait 16 missiles Polaris à bord. Qui met le système de détection des sous-marins sur le marché ? Ces sous-marins sont indétectables. On ne trouve plus de bon personnel de nos jours. Il est évident que la situation est tendue. Un facteur de longévité, selon moi. Et que certains peuvent entraîner un certain nombre de personnes. Vous ne passez jamais inaperçu. Puis-je vous appeler Triple X ? Diffamation. Les parties en présence peuvent-elles voir l'article qu'on veut leur vendre ? La question que moi je me pose, c'est comment il se fait qu'il n'ait pas réussi à trouver mon numéro de téléphone pour me demander ce qu'il en était. Bonjour, avec Giovanni, élève du lycée hôtelier, aujourd'hui on va réaliser des crevettes au lait de coco. Oui, mais il faut moins de bruit qu'une crevette. Je ne devrais pas rire, mais alors là, franchement... Il faut moins de bruit qu'une crevette. Écoutez, moi je suis ravie d'apprendre que M. Morin se pose des questions. Désolé, trop tard. Au fait, j'y pense, c'était sympathique de m'avoir plaqué. Pas du tout. C'est vrai, il y a une seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai sous-estimé le fantasme qui pouvait tourner autour des garanties qui existent, mais qui n'étaient pas écrites. Pourtant, vous m'avez sauvé la vie. Il y a des événements qui sont tout à fait inadmissibles. Ah. Alors, effectivement... Je puis faire quelque chose pour vous réchauffer. D'abord, imposer le calme. Pour tout le monde. Beaucoup de vos compatriotes sont dans le même cas. Que vous a-t-on enseigné ? D'arrêter et de déférer à la justice. Rien de plus pratique que cela. Il est évident qu'il y a des individus qui sont dangereux. Chérie, ne sois pas capricieuse, attention. Nous ferons tout pour que cela n'ait pas lieu. Au moment où c'est intéressant. Ah ben oui, la James Bond girl de l'espionnage français, c'est Michèle Alliot-Marie. C'est ça, la French Touch. Enfin bref, pour en finir avec les résurgences contemporaines et françaises de notre patient, revenons une fois de plus par chez nous, dans notre ministère de psychopathes, où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même, est trépané deux fois, que tu connais bien désormais et que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques bondiennes. Alors, comme d'habitude, c'est complètement barjot et totalement louf-dingue, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouh. Ouais, je t'aime bien, James Bond, mon pote le rosbif, au service de sa majesté, à 5 heures. Waouh, t'es sapé comme l'empereur Armani. James, c'est le héros. 007, 7, c'est l'héros. Mais attention, faut pas se faire repérer. Y a Dr No qui peut rappliquer. T'inquiète, j'ai une caméra de surveillance dans une dent sur pivot. Et quand je baille, je filme. Ah James, tu sais parler aux femmes. Mais méfie-toi, ce sont des furies, Bond. Je t'assure, ça pue. Surtout avec Nauséa, Bond. Mais toi, tu sais les mater. Tu fais l'amour d'abord et après tu fais la guerre. Comme ça, elle dérouille deux fois, hein ? Sacré ambianceur, va. Allez, tire-toi maintenant. Il y a un Interpopol qui t'appelle. Vas-y. Tiens, avant, prends un Goldfinger. Deux doigts coupe fin. Trop con. Pour être un agent secret, un conseil, soyez discret. Ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, manque d'une balle entre les deux yeux. Pour être un agent secret, il vaut mieux avoir du nez. Voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. être un agent secret. Des filles, il faut se méfier. 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos. Meilleur agent secret, je crois qu'il fait du ciné. Regardez bien, 6 plus 1, oui ça fait 7, vous comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est devenu vedette dans les films qui font recette. C'est le seul qui n'est pas mort, c'est vraiment lui le plus fort. L'agent secret de Petula Clark, c'est évidemment une bombe sexuelle. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Et une fois encore, le ministère psychique a bien noté la complexité psychologique de notre patient, ce James Bond, espion britannique, forcément flegmatique. Et pour clore ce dossier, rien de mieux que de terminer avec une pub qui fait mouche. Et pour terminer, une pub qui fait mouche, quelques 200 journalistes parisiens ont reçu dans leur courrier une balle de 22 longs rifles accompagnée de ces quelques mots inquiétants. La prochaine n'arrivera pas par la poste, à demain. Renseignement pris, il s'agissait seulement d'une publicité pour le dernier film de James Bond, Dangereusement Vôtre, qui sortira sur les écrans en septembre. Si la plupart des journalistes ont souri, une dizaine d'autres ont porté plainte et la brigade criminelle de la PJ a été chargée de l'enquête. Comme quoi, Rouletabille et James Bond ne font pas toujours bon ménage. France Inter, 19h, bientôt 24 minutes. Merci d'avoir écouté ce journal. C'était le journal de Patrice Bertin. Eh oui, quand Rouletabille bondit, James roule sa bosse. Alors bien sûr, le ministère psychique n'a aucune envie d'enfermer James Bond, puisque c'est sûr, il va tout défoncer pour essayer de s'échapper. Et puis surtout, on n'a pas envie de se le coltiner tout le temps, ce bellâtre-là. Alors bien sûr... Allez, hâte, James ! Dehors ! Et arrêtez de jasmir et de vous prendre pour une lumière ! Sinon, on vous livre au spectromètre ! Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais... Qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 26e consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin au pape des espions, un sacré beau monde. Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même, remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique. Jérôme Chélius-Manette, merci beaucoup Jérôme. Assisté aujourd'hui à la technique de Loïc Frapsos, merci à vous deux, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaujolais et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et Marie Berthoumieux, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin que la semaine prochaine, le ministère psychique change de catégorie car nous recevrons du lourd. Oui, ça vaut le détour et surtout, ça Voltaire. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de la panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?